Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir, bonsoir mon frère Espérance. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ravi de te voir ce soir. Bonsoir, Junior. Bonsoir la sœur Assetou. Bonsoir, Junior. Comment tu vas la sœur Assetou? Je vais bien par la grâce de Dieu. Apparemment, vous avez de bonnes nouvelles du côté de Côte d'Ivoire et vous avez fêté au point où vous avez oublié le jour et l'heure du travail. Non, pas du tout. Ben, il est plus de 55 minutes. Pourquoi vous n'avez pas commencé alors? Enfin, j'étais connecté, mais on attendait, on attendait. Ah, donc vous attendez les autres. Quand toi tu es connecté, pourquoi tu ne dis pas aux autres que frère, nous sommes prêts? Vous êtes où? Tu es seulement là, tu causes avec madame, vous causez en famille, quoi. Non, dans l'attente de vous avoir, on attend. Non, ça veut dire que vous attendez que les autres se connectent pendant que les autres sont en attente que vous aussi vous connectez. Donc, normalement, quand quelqu'un est connecté, il dit que les frères, vous êtes où? Nous sommes en retard. C'est ça, non? Le frère Syria Olivier Angora, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, comment tu vas, mon frère? Je vais toujours très bien, je vais toujours très bien. Et vous-même? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Jean-Didier Kouadio, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire de la sainteté. Merci frère Junior, bonsoir. Ça va? Bienvenue frère. À Abidjan aujourd'hui, ça va? Oui, ça va, ça va. Donc, décidément, vous tous, vous avez décidé de vous connecter en retard aujourd'hui. Bon, pas évidemment, moi actuellement je suis encore au travail. Ok. Je ne suis pas encore disponible. Oh, là, il y a des excuses spirituelles. Ouais, sur les excuses spirituelles. D'autres sont allés essayer les bœufs. D'autres viennent de se marier. Ils ne peuvent pas se connecter. D'autres, il est du côté d'Abidjan. Là, on a demandé de déguerpir. D'autres sont allés assister les sinistrés. D'autres ont des problèmes de perturbation des réseaux parce que les intempéries ont coupé le courant électrique, ainsi de suite, ainsi de suite. De toute façon, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire de la sainteté. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Je suis à votre service ce soir encore. La soeur, c'est tout. Comment tu vas déjà? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous me voyez ce soir, n'est-ce pas? Je suis en forme, non? Même comme j'ai maigri. Ouais. On est vraiment content de te voir, frère. Alors, je suis à votre service. Où sont les mariages? On m'a dit qu'il y avait des bons événements qui se passaient en Côte d'Ivoire, non? Euh, Oui, le, frère le, Junior. le frère Didier Kouadio, c'est toi qui t'es marié? Non, c'est le frère Nauré. Ah, le frère Yaoré. Il a dit dans le livre de Lévitique, lorsque les gens sont mariés, ils ne doivent pas aller en guerre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu ce soir travailler avec nous, quoi. Évidemment. Donc, ils sont où? Les amis, qui vont en pâche. Le frère Olivier, on ne t'a pas suivi. Non, je disais que tout à l'heure que je l'ai eu au téléphone. Ils Oui. m'ont fait comprendre qu'ils vont nous prendre en marche. Qui vont nous prendre en marche. De toute façon, on les attend ici des pieds fermes. Mais comment tu as pu appeler pour déranger les jeunes mariés? Pourquoi tu troubles leur quiétude? C'est pas ça, on était ensemble aux environs de 15h, 16h, peut-être ensemble. Oui. Et ils m'ont promis qu'ils seront connectés ce soir. Ok. Et le frère Jacques Bissan du côté de Lomé au Togo, comment il va? Ok, mais de toute façon, c'est sûr que peut-être il a cru que c'est au temps universel que nous allons travailler. Bon, maintenant, je pose la question. Avez-vous des préoccupations depuis? Et j'ai vu votre travail au sujet des lancements que nous avons fait du côté des États-Unis. Vous avez fait un travail excellent. Je crois qu'on va y revenir là-dessus. Et vous allez faire le récapitulatif tel que vous avez fait sur le forum et pour que d'autres en profitent dans le monde entier. C'est très excellent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça montre que le vent qui va souffler en Côte d'Ivoire sera trop fort. Vous êtes trop fort en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, j'ai pris le temps de vous lire et j'ai vraiment vu que vous avez beaucoup travaillé et très bien travaillé en de toutes les façons. Très bien travaillé. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse encore le frère Jacques Amen. Bissan du côté de Togo. comme quelqu'un l'a signifié, c'est vraiment un scribe béni de Dieu. Amen, Voilà. amen. Donc, même si je ne suis pas présent avec vous, je vous lis, je vous surveille. Chaque forum, je vous surveille. Surveille tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. D'accord? Merci mon frère. Oui. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous des préoccupations ce soir? Des préoccupations? Oui, allô, frère. Oui. Bon, en fait, je voulais te soumettre une situation là. Oui. Bon, c'est au niveau de le baptême du Saint-Esprit Oui. et la nouvelle naissance. Oui. Non, pas patienter que le frère Iba poste les deux enseignements que nous avons fait au niveau de la radio et puis vous allez apprécier. Ne pose pas de questions, d'accord? À l'issue de cela, vous allez y revenir, d'accord? D'accord, c'est compris, frère. Gardons cela en suspens. Autre chose? Il y a une autre chose aussi, c'est dans Genèse chapitre 3. Oui. Le premier verset du Genèse chapitre 3. Oui. Le Bon, serpent était le lorsque plus j'ai lu ce rusé, oui. passage-là, il est dit que le serpent ancien était le plus rusé De tous les animaux des de champs tous que les l'Éternel animaux Dieu avait fait. des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Voilà. Bon, quand j'essaie de pousser ma réflexion, je me suis dit, entre le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, tu dis que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a mis Adam et Ève dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Oui. Mais ici, on nous fait comprendre que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Oui. Donc, je me suis dit que est-ce qu'il n'y avait pas deux espaces Oui. à la création? Oui. Et qu'en plus du jardin d'Éden, il y avait un autre espace qui était appelé les champs. Non, je pose la question justement Donc, parce que ça pose une question. Où est-ce que l'homme a été fait? l'homme a été fait d'abord dans le spirituel en tant qu'esprit, Non, et il a été il mis parle de dans un l'homme vêtement chair. de Il parle chair. de l'homme chair. Où est-ce qu'il a été fait? Dans le jardin d'Éden. Tu es sûr, mon frère, c'est ce que ta Bible dit? Bon, il a été fait de la poussière, c'est-à-dire que le Seigneur a pris la La poussière, poussière il a pris faite la du premier poussière, homme. il a pris la poussière ou dans le jardin ou hors du jardin. Hors du jardin. Tu es sûr que c'est hors du jardin, frère, ou c'est dans le jardin? Puisque on dit que l'homme, quand tu as fini de faire l'homme, quand tu as fini de former l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. Voilà, donc il l'a placé dans le jardin, n'est-ce pas? Donc ça suppose que, voilà, donc ça suppose que l'homme a été fait hors du jardin et il a été mis dans le jardin Voilà. après sa formation. Donc, ça veut dire clairement que le jardin, c'était un endroit géographiquement, de façon spécifique. Ce n'est pas toute la terre qui est appelée jardin, c'est un endroit, un lieu spécifique. Oui, mon frère, Et on a oui. délimité ces jardins-là, appelés jardins d'Éden, avec quatre fleuves qui coulent. Tout à fait, frère. Voilà. Donc, le jardin était un spot spécifique dans une zone géographique sur la terre, pas vrai? Tout à fait. Voilà. Alors, quand il dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu a fait, souviens-toi que, et souvenez-vous, que le prophète Moïse écrit ceci longtemps, plus de 3000 ans après ce que ce soit passé. Oui, frère. Voilà. De la même façon, comme il écrit, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 20, il dit effectivement que l'homme donna à sa femme le nom d'Adam, quoi, le nom d'Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants qui sont sur la terre. Quand il parle de tous les vivants, il comprend ça. Alors, ça se pose que la période qu'il en a écrit, il y a d'ailleurs beaucoup d'autres humains sur la terre. Il dit, tous les vivants qui sont sur la terre, c'est sa maman. Vous voyez cela? Mais si le livre est écrit à l'instant où il n'y a que deux êtres, ça serait impossible d'écrire tous les vivants, parce qu'il n'y a pas de vivants sur la terre à ce moment-là. Je sais pas si vous comprenez. Parce Tout qu'il à écrit fait. ça dans une, avec Oui, une on comprend, arrière, frère. avec une période passée dans le présent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il relate une histoire du présent dans le passé. Et ou bien du passé dans le présent. C'est donc pour cela qu'il peut parler. Maintenant, si vous écrivez par rapport à ce qu'il a fait étant en 2018, vous ne direz pas de la même façon. Le scénario ne sera pas le même comme c'est la personne qui voit, il a fait les œuvres et apprécie. C'est pour ça qu'on parle de biographie. On parle de biographie avec des backgrounds. Il peut avoir des appréciations là-dedans. Alors, quand Dieu dit, quand Moïse dit, c'est Moïse qui l'a écrit, souvenez-vous. Et que Dieu l'a amené en Arabie là-bas, alors qu'il lui indiquait exactement tout ce qu'il avait fait dans la création. Il lui dit écris. Et il a écrit ce qu'il était nécessaire pour nous. Mais dans le cas, il dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu a fait. Ça veut dire que parmi tous les animaux que vous voyez dans les champs maintenant. D'accord, frère? Oui, tout à Voilà. fait, Qu'on frère. constate dans les champs maintenant. Qu'on constate dans les champs maintenant. La personne est décrite dans un présent où, à ce moment où il a été créé, ce n'est pas le même circonstance parce que ici maintenant, nous nous trouvons dans le développement du péché. Alors que là, à ce moment-là, il n'y a pas le développement du péché qu'il avait créé. Donc les animaux qui se trouvent dans les champs maintenant, tous les autres, parmi tous les animaux que vous pouvez distinguer dans les champs, le serpent était le plus rusé, dit le Seigneur. Alors, mais dans le circonstance où ils ont été créés en cet instant-là, s'il écrivait en cette circonstance, il ne dirait pas comme ça. Parce que tout est parfait. Il n'y a pas de piquants, il n'y a pas de roses avec des épines en ce moment-là. Il n'y a pas de buissons ardents en ce moment-là. D'accord? Il n'y a pas de chardons en ce moment-là. Il n'y a pas de ronces en ce moment-là. Donc si quelqu'un fait une narration en cette période-là, les ronces lui seront étrangères, les buissons lui seront étrangers. Alors, mais la personne qui a écrit, Oui. il écrit dans une perspective d'expliquer le parfait dans l'imparfait. D'accord, mes frères? Oui, c'est compris, frère. Que la grâce, la Côte d'Ivoire, je sais que vous savez très bien comprendre. Il y a des points que vous avez soulignés, et je remercie le Seigneur pour cela, pour l'esprit qu'il vous utilise. Il y a des points que vous avez soulignés en questionnant dans cet enseignement concernant sur le mariage de Jésus est compliqué, que vous avez étayé. Il y a des points que vous avez, les angles que vous avez soulevés, les pans de voix que vous avez soulignés, que je ne connaissais même pas de l'écriture. Ça va vous surprendre, ça. Et là, ça m'a donné le sujet à réflexion. J'ai dit, waouh, mes frères, que Dieu vous bénisse. Ça va vous surprendre. Vous avez ouvert des pans de voile là-bas. Mais la grâce du Seigneur, c'est que quand vous ouvrez un pan de voile, je sais exactement où ça amène. Vous voyez, quand vous ouvrez une porte, je sais exactement où ça amène directement dans les Saintes Écritures. Donc, merci beaucoup. On va y Amen. revenir. Je crois que lorsqu'on va Amen. épiloguer là-dessus, on va passer des semaines et des semaines. Parce que le mariage de Jésus est effectivement compliqué. Vous voyez, parce que j'ai vu comment vous avez pris le type de l'épouse de la nation. Ainsi, vous savez, Joseph a dit oui, c'est très bien ça. Très bien travaillé. Très bien travaillé. S'il fallait donner les diplômes de fin Amen. de Amen. formation d'études bibliques, je vous aurais donné. Vous voyez, s'il fallait vous donner les diplômes de fin d'études bibliques, je vous aurais donné. Mais c'est chez les églises d'assez tout qu'on donne ça. Oui. C'est ça, non? C'est toi qui as les diplômes prophétiques de délivrance. Nous certifions par le grand Dieu Tout-Puissant que tu as été délivré au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'y voyez point d'inconvénient, je vous propose un sujet d'étude ce soir et puis on va meubler en attendant que les autres frères viennent. Peut-être ils auront des préoccupations. La sœur Christine, il y a un arbre qui est tombé dans ton village. Un arbre tombe dans ton village. Je suis en train de regarder un arbre qui tombe dans ton village. Un arbre tombe dans ton Amen, village. amen. Un arbre tombe dans ton village. Donc l'orage souffle là-bas. Donc patiente, c'est au moment. Il y a le bruit d'un arbre qui a chuté. D'accord? J'entends cela dans ton village. Un arbre est tombé Amen. dans ton village. On va entendre des échos. Alors, donc, je disais donc que si vous n'y voyez point d'inconvénient, il faut qu'on y va. L'une des fois ici, j'étais en train de parler, le frère Olivier, tu y es? Oui, frère. La fois où je parlais de ton épouse, je disais qu'elle a traversé une eau, une espèce d'eau. On a fait cette eau aussi avec la mort, avec quelque chose qu'on a pris chez la mort, et on a versé dans le marché. Elle a traversé dans cette zone-là. Elle a été envoûtée par rapport à cela. Et je disais que la personne qui a fait cela, c'est pour faire la richesse pour le marché. Vous savez, quand on fait des choses pour que les clés. Je ne sais pas, je vais vite là, je parle vite. Non, non, non, C'est attends, attends. Ok. Donc je disais donc que cette personne-ci a fait cette médicament, cette mixture-ci avec l'eau d'un mort, donc pris dans une morgue. Et cette personne-ci a pour but d'avoir des clients, que sa marchandise prospère. Il a fait donc ces choses, ces sacrifices. Il a versé là-bas. Ton épouse a traversé en allant au marché. Elle a vu un endroit mouillé. Elle a juste traversé, croyant que c'était un endroit mouillé comme ça. Et ces jours, lorsque nous voyons cela, j'avais dit, voilà pourquoi il est important de prier que le Seigneur nous garde, que la puissance du Saint-Esprit nous contrôle, afin que quand vous entrez dans ces endroits-là, vous arrivez là-bas, le Saint-Esprit vous fait dévier, ainsi de suite, d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi que le Seigneur nous délivre de beaucoup de maux et de beaucoup de tribulations. Vous vous souvenez de ces jours-là, n'est-ce pas? Et là, ces jours, j'étais en train de mentionner qu'il y a quelqu'un qui marche et puis il y a l'araignée. L'araignée tombe sur le visage. Le frère Didier Quadio, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'il est encore là, celui-là qui a le travail? Parce que c'est lui dont il est question. Je vous avais dit ces jours-là que la personne, s'il n'est pas connecté, mais c'est dans le groupe de comme le frère de Côte d'Ivoire, c'est une espèce d'araignée qui lui tombe sur le visage alors qu'il est en train de marcher. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le voici connecté si ce soir. Vous m'entendez même la Côte d'Ivoire. Dis-moi, frère, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend, frère. Bon, je crois que ce frère ne m'entend pas, lui, et c'est pourtant c'est lui que ça concerne cette histoire d'araignée. C'est pour ça que je suis en train de revenir sur ça ce soir-ci. Vous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que vous avez fait avec le Seigneur, que le Seigneur fait des choses comme ça avec vous là. Bon, permettez-moi d'aller. Donc, je tente de lui dire, donc, si on peut aller ce soir, je vous fais, on écoute quelque chose et on commence à commenter, d'accord? Souvenez-vous de ce qui a été dit sur votre pays. Des pasteurs qui ont pris des médicaments sont allés dans les champs, ont fait des sacrifices. Il y a d'autres pasteurs même qui sont allés dans des forêts, faire des sacrifices et puis les démons leur sont entrés. Ils commencent à faire des délivrances et autres là-bas. Ça va bader en Côte d'Ivoire. Donc le vent souffle en Côte d'Ivoire. Si vous m'entendez, vous entendez cette voix-ci. Vous êtes un pasteur de la Côte d'Ivoire. Vous vous appelez prophète, archibishop. Vous savez de façon claire que vous travaillez avec Lucifer. Et vous utilisez le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, celui qui est mort, ressuscité là, depuis que nous prêchons. Faites attention, vous avez deux alternatives. Quittez la Côte d'Ivoire ou bien repentez-vous. Vous restez en Côte d'Ivoire, ce qui va souffler là, ça va vous prendre. Il y a l'autre, je crois que nous traitions de Makarum Makoso. Karum, c'est Karum, c'est Marie Makoso, quelque chose comme ça là. Oui, j'espère que le frère Iba, je ne sais pas s'il a mis les trois parties. Vous, la soeur, c'est tout. Appelle Makoso, ton frère de Côte d'Ivoire là. Tu lui demandes de se repentir et d'arrêter ce qu'il fait. D'arrêter ce qu'il fait parce que Dieu va l'exposer bientôt. Il faut qu'il se repente. Il faut pas que la honte de sa nudité soit vue. Bon, de toute façon. Si vous êtes prêts, on va commencer. On peut commencer. Amen, amen. Tu n'as pas le numéro de Caro Makosa ou Camille Makoso. Tu sais que depuis qu'il allait en Israël, il a changé. Non, il parle bien, il gifle pas les gens. C'est au Cameroun seulement qu'il avait giflé une femme. Bon, de toutes les façons, on peut commencer, les frères. Amen. Prenez un stylo. Oui, ma soeur. Il y a une question à te poser. Ça fait 2 mois. Oui. Je rentrais de chez moi là, sur la route, c'est tout à l'heure, quand tu as parlé de la fête d'araignée là. Oui. Il y a un problème comme ça en route. Oui. Donc, j'ai vu les plaies de l'araignée qui est venue par mon visage. Oui. Donc, j'ai coupé, coupé, puis j'ai commencé à parler quoi. Tu as commencé à parler que j'envoie le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus pour une. Non, je n'ai pas dit ça. Tu as dit quoi? Je n'ai pas dit le sang. J'ai dit, tout c'est à cause de moi que j'avais mis ça, que tout cela est fou. Il est important que lors de nos manifestations, lors de vos sorties, les gens que vous rencontrez, mes chers frères, vous sortez gardés par le Saint-Esprit. Parce que les gens que vous allez rencontrer, vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est un sacrifié, ou bien c'est quelqu'un dont on lui a demandé le sacrifice, il cherche seulement un bouc émissaire qui va envoyer dans ce sacrifice-là. Vous tombez au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Donc, je crois que, merci frère pour cette précision, je crois que c'est parce que il y a eu partage d'écran et puis il y a ce zoom-là. Bon, là, c'est tout, ne t'inquiète pas par rapport à ta part d'araignée, d'accord? Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a révélé. L'araignée dont je parle, c'est tombé sur celui-là. Le frère qui veut mettre en service là. Amen. Voilà. Donc ton oreiller n'est pas peur. Bon, on peut commencer, n'est-ce pas? Oui. Amen. Prenez donc un stylo, une feuille, et vous déposez votre Bible à côté. Vous allez suivre. Ne vous fâchez pas, c'est ce que vous allez entendre, d'accord? Ne vous fâchez pas du tout. Ne vous fâchez pas. Je sais que vous êtes mûr. Vous avez mûri et vous connaissez effectivement que les saintes écritures ne sont pas données à n'importe qui. C'est par révélation qu'on y va. Et si on ne va pas par révélation et que ce n'a pas été, tes temps n'ont pas été donné, tu auras et sera une pierre d'achoppement pour ta propre vie. Et la Bible sera une pierre d'achoppement pour toi. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas l'esprit des gens pour comprendre les Écritures, pour voir l'harmonie dans les Saintes Écritures, et puis les dispositions dont le Dieu Tout-Puissant lui-même a touché, c'est ici, donc, comme dans le cadre de cette vidéo, ce que nous allons voir. Ne vous fâchez pas du tout. Alors, on écoute. Vous avez préparé votre stylo? Ok. Allons-y. Suivons-le. Ne vous inquiétez pas. Cette vidéo que nous allons jouer maintenant, vous pouvez la retrouver sur quoi? Sur YouTube. Je crois que c'est intitulé Un pasteur dépassé des bêtises bibliques exposent l'escroquerie spirituelle du christianisme. Ça se trouve sur YouTube, vous pouvez taper cela. C'est produit par Monde Afro. C'est un pasteur dépassé des bêtises bibliques expose l'escroquerie spirituelle du christianisme. Gardez bien les mots. Les bêtises bibliques. Et comme il a constaté, il est dépassé des bêtises qui sont dans la Bible. Il décide donc d'exposer ce qu'il appelle par escroquerie spirituelle. Puis il dit du christianisme. Regardez le mot christianisme. Maintenant, on peut y aller, n'est-ce pas? C'est une vidéo de 8 minutes 45 secondes. Nous allons patienter ces 8 minutes 45 secondes. Nous allons suivre. Bonjour, je suis le pasteur Amélie Moïse. Je veux vous parler aujourd'hui de Dieu, le créateur du ciel. Fermez les micros. Fermez vos micros, comme ça il n'y a pas de retour. Fermez tous vos micros. Quand on va finir, vous pourrez ouvrir vos micros et on va commenter. Je crois que vous pouvez trouver également ça sur la chaîne Tell Me More TV. Je crois que c'est cette chaîne-là qui distribue cela avec les choses de religion africaine, de la modernité, le Jésus africain, le Dieu de la Bible africain, ainsi de suite, les patriarches africains, ainsi de suite. Vous pouvez voir avec d'autres les colorés concernant cela. Maintenant, écoutez encore. On commence. J'espère que les micros sont fermés. Bonjour. Je suis le pasteur Amélie Moïse. Je veux vous parler aujourd'hui du Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Pour tout vous dire, le ciel n'existe pas. Il n'y a nulle part qu'on appelle le ciel. Ce que nous voyons en l'air là n'existe pas. Ce n'est que notre vue qui est limitée là-bas. C'est comme tu vas à la plage. Tu vas à la plage, tu verras à l'horizon, c'est comme le ciel touche la mer. Ça ne touche jamais la mer, c'est notre vision qui est arrêtée là-bas. Maintenant, on nous a présenté un Dieu qui constitue le créateur du ciel et de la terre. Comment Dieu peut créer ce qui n'existe pas? C'est ça la terre. La terre, c'est comme ça, la terre est suspendue en l'air comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est bloqué quelque part ou le ciel aussi est bloqué comme ça. Non, la terre est suspendue dans l'univers. Donc, la terre n'est pas une chose plate, mais la terre est ronde. Et quand la terre tourne comme ça, c'est dans l'univers. Donc, si tu es ici, si tu es ici, ton ciel c'est ici. Si tu es ici, ton ciel c'est ici. Si tu es quelque part ici, ton ciel c'est là. Donc, si tu pars comme ça, tu n'attendras jamais rien du tout. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Donc le ciel n'existe pas. Ce qui fait que le Dieu qu'on nous a présenté, le Dieu de la Bible, est un Dieu menteur. C'est un Dieu même qui n'existe pas. Et on n'a rien à voir avec ce Dieu. Imaginez ce Dieu dans leur Bible qui dit encore qu'il y a des hommes qui ont construit une tour comme ça pour atteindre le ciel, pour atteindre leur Dieu. Et ce Dieu, qu'est-ce que ce Dieu a dit? Nous allons lire dans Genèse chapitre 11, verset 5. Alors, il dit, l'Éternel dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Il dit, l'Éternel est descendu d'abord. Dieu est descendu d'où? Il était où pour descendre? Où? Il est nulle part. Donc, on dit que Dieu est descendu pour voir la ville que bâtissaient les fils des hommes. Donc Dieu, là où il est, il ne peut pas voir la vie. Il est obligé de dépendre. Quel est ce Dieu-là? C'est un Dieu qui n'est pas omniprésent. Donc il ne peut pas voir partout. Il n'est pas partout en même temps. Donc l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons. Maintenant, l'Éternel dit, ils vont descendre maintenant pour pouvoir confondre la langue des hommes. Donc, l'Éternel, là où il est, le ciel qui n'existait pas, le ciel qui n'a jamais créé, il est quelque part là-bas pour eux. Quel est ce Dieu qu'on nous a imposé? Un Dieu de folie. Nous n'avons pas besoin de ce Dieu de menteur. Et nullement encore, son fils a aussi nul que lui. Lisez encore dans le livre de Genèse toujours, Genèse 18, verset 21. Vous allez voir là-bas. Et c'est pourquoi, attendez, c'est pourquoi je vais descendre. Je verrai si l'homme agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Regardez ce que l'Éternel dit. Il dit, quand Sodome et Gomorre ont commis beaucoup de péchés, l'Éternel Dieu dit maintenant, comme leur péché et le bruit de leur péché parvenu jusque chez lui, dans le ciel qui n'existe pas, l'Éternel dit, je vais descendre, quand je descends maintenant, je vais vérifier si ce qui est venu vers moi Si ce n'est pas vrai, là, il le saura. Donc, l'éternel Dieu ne connaît pas les choses. Lisez ceci dans Genèse 18, verset 12. Vous allez voir que l'éternel ne sait pas les choses. Il doit vérifier d'abord. Il doit descendre d'abord. Il doit venir voir d'abord avant de connaître. C'est ce Dieu de folie, ce Dieu ignorant, ce Dieu qui vit dans les ténèbres, comme Salomon l'a dit dans un roi 8, verset 12, que l'éternel veut vivre dans les ténèbres. Ce Dieu des ténèbres nous a été imposé, ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin de ce Dieu d'ignorance, et nullement encore un fils descendu de ce Dieu d'ignorance. Imaginez la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, l'Africain, le maman, les gens croient que ce film est une réalité. Ce n'est pas une réalité. Jusqu'à présent, la photo de cet acteur circule dans les églises, dans les maisons. Pourquoi l'église catholique ne réagit pas? Pourquoi il ne peut pas dire à ces gens que la photo de ce monsieur-là n'a rien à voir avec leur Jésus? Mais ils acceptent ça parce que l'Église veut que nous soyons annihilés. C'est de l'hypnotisation, c'est de l'annihilation. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas appelés à suivre un Dieu qui n'existe pas. Le Dieu n'existe pas. Le Dieu qui a créé la terre et le ciel n'existe pas. C'est un faux Dieu. Parce que le ciel n'existe pas et la terre n'est pas une chose vraie. Si vous lisez encore dans le livre de Proverbes, le Proverbe dit que la terre est suspendue par des piliers de sable, des piliers de terre. Et les piliers sont suspendus sur quoi? La terre. N'est pas une chose plate. Le Dieu là, c'est un Dieu de mensonge. Nous n'avons jamais besoin d'un Dieu taré. Et ce Dieu de la Bible est venu et a anéanti la capacité de réflexion de l'Africain. L'Africain ne réfléchit plus. L'Africain ne réagit plus. Regardez la Chine. Et la Chine s'est développée parce qu'ils ne se sont pas accrochés à la Bible. La Corée, le Japon, ils ne se sont pas accrochés à la Bible. Mais c'est des pays qui sont développés. Vous voyez? Éliminez la Bible. Fuyez la Bible. La Bible est le livre le plus dangereux. Et Jéhovah est le Dieu le plus insensé. C'est un Dieu insensé. Ils disent que le Dieu là est omniprésent. Mais le Dieu là, et ils disent encore que le Dieu là est omniscient. Alors que regardez, le Dieu là n'est pas omniscient. Il doit descendre pour voir. Aujourd'hui, je te dis, toi Africain, réveille-toi. Tu n'as pas besoin de ce livre. Ce livre se détruit lui-même. Tu n'en as pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est toi-même. Il faut te découvrir. Toute capacité de mal, toute capacité qui dépasse quelque chose est en toi. Tu es mal. Réagis maintenant. Révèle ta capacité de création. Tu peux créer toute chose. Tu peux créer. Réfléchissez. Ne suivez pas ce Dieu de la Bible. Et moins encore, un Dieu taré comme ça nous envoie son fils. Pour le faire quoi? Nous n'avons pas besoin de Jésus. Jésus-Christ même, c'est un démon. C'est ce démon qui est venu pour nous anéantir dans les églises. Pour que l'Africain ne puisse pas évoluer. Pour que l'Africain ne puisse pas construire. Fuyez ce Dieu. Moi, je suis le pasteur Aminu Moïse. Je vous réveille aujourd'hui. Je veux que tu te réveilles. Moi, je suis Mao. Mao, c'est la capacité qui dépasse toute chose. Et Mao est le créateur. Et ce Mao n'existe pas. Ce Mao, c'est toi. Tu es Mao. Tu détiens toute capacité de création. Moi, je crée. Toi aussi, tu crées. Nous sommes Mao. Et Mao est la lumière. C'est la nouvelle lumière qui détruit les églises. Les églises, la Bible, le Jéhovah, le Jésus-Christ n'existent plus en Afrique. Nous l'anéantissons, l'église avec tous ces démons de la Bible et de toutes ces choses-là pour refléter l'Afrique. Tu es africain. Quelle est ton identité? Ton identité, c'est l'Afrique. C'est ce que nos grands-parents connaissent. Nos grands-parents ont connu que Mao existe. Aujourd'hui, c'est toi qui es Mao. Et je suis Mao. Je m'appelle Pasteur Aminu Moïse. Et je suis Essaouta. Je suis au numéro 00220. Voilà. Qui nous épargne donc de ces allégations, des WhatsApp et des contacts téléphoniques au travers des Bamba Iba. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Je crois que le décor est bien planté, n'est-ce pas? Le temps que vous mettez toutes vos musiques, quoi, vos choses à la page, réunissez-vous, prenons une respiration musicale et revenons après, d'accord? Au revoir et chantons le prince glorieux. toucher les fléchira devant le nom puissant de Jésus. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Oh, pas dans la sainteté. Rebonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Oui, nos prophètes. Bonsoir, merci, bonsoir à vous, mes bien-aimés. Nos prophètes, et par commencer par le prophète, notre grand prophète, le Seigneur Jésus, avaient signifié dans leur discours qu'il s'élèverait des gens qui vont enseigner des choses pernicieuses. Longtemps avant, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 7, le sage Salomon avait dit dans ce livre des Proverbes, chapitre 14, verset 7, éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Et le chapitre 10, vous y êtes. Dans le chapitre 13 de ce même livre du Proverbe, au verset 16, il est dit: tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage des folies. En somme, la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas entre la main de l'insensé qu'on pourra apprendre quelque chose. Et de sa folie, de ses lèvres, tu peux voir effectivement débiter les discours de l'insensé. Et il fait preuve comme ça de la folie qui est sur son âme. Dans le verset 16 du chapitre 12 de ce même livre de Proverbes, il est dit que l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Vous avez moi, frère? Chapitre 10, verset 21 de ce même livre, la Bible déclare que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Vous êtes là? Amen. Chapitre 10, verset 8 nous dit: celui qui est sage des cœurs reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Insensé des lèvres court à sa perte. Vous voyez que plusieurs fois, Salomon donc va instruire les gens en disant, comme par exemple au chapitre 8, verset 5, il dit: stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Donc dans la Bible, la sagesse n'a de cesse lancer l'appel, la sonnette d'alarme à tous ceux qui sont insensés. Et il y a différents niveaux d'insensés, comme on voit dans les Saintes Écritures. Il y a d'autres qui sont insensés par leur agissement, d'autres qui le sont en débutant la folie. On peut voir effectivement comment la folie est attachée au cœur. D'autres qui le font, effectivement, lorsqu'ils posent des actes, on voit effectivement que cette personne-ci n'agisse pas par sagesse. Vous voyez? Or, la Bible dit clairement que le calme prévient de grands péchés. Vous voyez? Et la Bible déclare également que la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Et vous pouvez donc voir ce qu'il en est maintenant. Avant de vous passer la main, cet homme s'est fait présenter comme pasteur. Je veux que vous me donniez la dénomination ou bien le groupe religieux qui parle, appelle les gens par pasteur. Lequel? Vous avez suivi? Chrétiens. Les chrétiens, le christianisme, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, on a un problème ici dès la base des présentations. Il s'est fait appeler par pasteur Moïse. Donc pasteur Moïse. Et c'est de la Bible que ça se tire. C'est terrible. Il s'est fait parler à pasteur. Il n'y a pas de pasteur en dehors des Saintes Écritures. C'est le christianisme qui révèle le caractère pastoral. Le christianisme, comme il en a dit. Je reste dans le caractère christique, ou mieux que du christianisme, de ce qu'il en a dénoncé. Le cadre chrétien, c'est un autre. C'est pour ça qu'il dit que il souligne dans le vidéo le christianisme. Et on épilogue sur le christianisme parce qu'ils n'ont pas attaqué les chrétiens. Il a attaqué Christ, attaqué le Fils, attaqué le Seigneur. On va parler de cela, Dieu voulant. Mais le christianisme est la base et la lutte. Mais cette base de christianisme est ce qui lui a pondu son titre. Vous voyez qu'on a un problème. Alors, quand tu vas dans la sainteté, je vous passe la main. Prenez la parole à votre guise. D'accord. Bon, mon frère, moi, à l'entendre, hein, c'est vraiment des paroles. C'est des paroles choquantes, blessantes, blessent l'âme. Parce que, vraiment, elle a dit des choses méchantes. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou bien c'est par orgueil. Il ne peut pas insulter le Seigneur Jésus-Christ, insulter Dieu, et dire que la Bible est le livre le plus dangereux, et en même temps, il utilise la Bible pour pouvoir se présenter. donner des passages bibliques pour pouvoir contredire ce qui n'y est pas. Bon, allons à la base. Bon. Allons à la base. Le principe qu'il est en train d'utiliser est notoire et scientifiquement démoniaque. Ce principe veut qu'on retire de l'huile sur le porc pour faire frire la viande du porc. Parce que dans la viande du porc se trouve la graisse. Et on peut retirer cette graisse-là pour faire extraire et puis faire frire le porc. Donc il peut aller dans la Bible pour prendre la Bible pour contredire la Bible. C'est le principe. Et c'est le principe musulman. Lorsque les musulmans veulent faire quelque chose, c'est de là qu'ils s'appuient. Lorsqu'ils veulent prouver que Mohamed est dans la Bible, ils parlent dans la Bible. Pour prouver que Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est dans la Bible qu'ils prennent. Pour prouver qu'il n'est pas ressuscité, c'est dans la Bible qu'ils doivent. Ils doivent automatiquement s'appuyer sur cela pour essayer de confondre ceux qui ne sont pas appuyés sur les Écritures. Mais maintenant, le thème qu'il veut développer, je réponds donc en résumé. En résumé, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Il veut vouloir dire quoi au juste? Je pose la question à toi, frère Paul Espérance. Qu'est-ce que ton homologue pasteur, mais de l'autre côté branche, veut prouver aux yeux du monde? En résumé. Pas en deux, pas en quatre mots. Qu'est-ce qu'il veut dire en résumé? Il veut dire quoi? Il veut dire que Dieu n'existe pas. Stoppons donc là-bas, c'est bon. Il veut dire que Dieu n'existe pas. Maintenant, ouvre ta Bible. Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, tu lis le verset 1. Et tu lis ça à plusieurs reprises pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est dit. Ce qui était écrit longtemps avant que cet homme-là ne naisse. Ou bien que Mao, que lui-même le Mao, c'est propre que ce soit créé. Bon, on va arriver sur ce Mao-là. Qu'est-ce que ça dit dans Proverbes chapitre 14? Que Dieu te bénisse parce que tu es un homme vigilant et averti. Donc tu as résumé son discours de 8 minutes 45 secondes. Son but, c'est de prouver que le Dieu du christianisme n'existe pas. Parce que s'il existerait, il ne serait pas. Il n'est pas dans toutes les directions de ces proverbes. Non, psaume chapitre 14, pardon. Psaume chapitre 14, je crois que c'est ça qu'il a dit, non, psaume ou proverbe. Proverbe, le chapitre. Non, psaume, pourquoi le proverbe là, il fait que venir à ma tête? Non, ce sont les femmes insensées qui sont là-bas, qui bâtissent leur maison, ainsi de suite, les sages. Bon, psaume 14. Oui, verset 1, qu'est-ce que ça dit? L'insensé dit en son cœur. Oui. Il n'y a point de Dieu. Encore, relis encore. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Encore. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Regarde-moi. Est-ce que tu peux me dire maintenant, sans plus lire dans la Bible de folie, là, ce que la Bible de folie dit aux gens qui veulent venir l'insulter? Tu m'as suivi, mon frère? Non, c'est pas bien complexe. La Bible a déjà préparé ses gilets pare-balles contre toute attaque et toute velléité de l'ennemi, n'est-ce pas? Longtemps avant que ce monsieur s'il vienne faire sa vidéo pour prouver que Dieu n'existe pas, comme tu as si bien résumé, la Bible avait déjà dit de lui quoi, en l'appelant quoi? L'insensé. Parce que la Bible elle-même savait que cet homme-ci viendrait dire que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? C'est ça, lui. Et la Bible lui a dit quoi? Donne-lui la Bible. Dis-lui que monsieur Moïse, la Bible t'avait appelé quoi? En disant, cite l'écriture contre lui. Monsieur Moïse, avait déjà dit qu'il y aurait quelqu'un qui dirait qu'il n'existe pas, celui-là est insensé. Donc en clair, il est insensé. C'est un titre de Saintes Écritures, c'est pas toi, n'est-ce pas? Parce que si tu dis comme ça que tu es insensé, va dire que ta Bible dit clairement que celui qui appellera son frère insensé est mérite d'être puni par le Sanhédrin. donc la Bible ne doit pas être punie par le Sanhédrin parce que c'est la Bible qui l'a appelé. Vous voyez? La Bible en fait met des points. Des garde-fous comme ça pour protéger ceux qui font confiance aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul dira à ça quoi a dit à comment ça s'appelle à Timothée que tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Vous voyez cela? Dès la naissance tu connais les saintes lettres. C'est les Saintes Écritures. Il connaissait cela. On voit effectivement que les Saintes Écritures sont attaquées depuis longtemps. Que ce soit sur Joas, que ce soit sur Jérémie, comment le roi va prendre ça, déchirer les bêtises jetées. Et Dieu va redire à Jérémie de réécrire cela, les mêmes mots qui sont là-dessus. L'attaque contre les Saintes Écritures n'a pas lieu aujourd'hui. Mais celui-ci, c'est un protagoniste, c'est un prototype même de l'insensé. Qui non seulement s'est fait appeler pasteur, mais il dit qu'il n'est pas hors, il est hors du christianisme. Il a détruit la Bible. Il a failli dire au nom de Jésus, qu'il s'est souvenu qu'en réalité, il a de combattre au nom de Jésus. Mais comme il n'a pas une autre exclamation, il sait qu'on ne peut pas chasser le démon au nom de Satan. Il s'est exclamé, il s'est arrêté là. Maintenant, alors la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Puis Dieu dit, ils se sont tous corrompus. C'est ça. Continue le verset maintenant. Allons-y. Ils se sont corrompus. Mmh. Ils ont commis des actions abominables. Mmh. Il n'en est aucun face de Dieu. Pas même un seul. Voilà, je crois que votre connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Quand ça lit avec les interruptions, là, ça me dérange. Alors, moi, je ne sais pas, quand je parle, vous entendez de façon fluente, fluently. Il n'y a pas des interruptions. Voilà. Alors, la Bible dit dans Psaume chapitre 14, verset 1, il y en a plein dans les Saintes Écritures qu'on pourrait placer contre celui-là. Mais comme il est fou, il ne faut pas qu'on passe le temps dans la folie. Mais qu'on va relever, nous allons relever ensemble les points qu'il a dit, les points qu'il a soulevés. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est énervé. C'est quelqu'un, le background dans lequel il se filme, il veut montrer effectivement l'état de sa richesse pour montrer effectivement qu'il ne souffre pas, qu'il n'a pas besoin de Dieu et des chrétiens pour pouvoir réussir. Après, il ressort en disant que, et il regarde très attentivement, c'est pour cela qu'il faut faire attention avec des philosophies injectées au milieu chrétien. Et très souvent, les chrétiens l'appellent et le disent sans s'en rendre compte qu'ils sont dans la philosophie diabolique. Et c'est ce que cet homme a traduit à la fin de son discours en appelant cela Mao. Il a dit, Mao, c'est toi. Révélez en vous le pouvoir créateur. Vous pouvez créer. Mais essayez de l'appeler avec son numéro. Vous lui demandez, monsieur, montre-moi une seule chose que depuis que tu t'es rendu compte que tu es Mao, que tu as créé, qui avantage les Africains. Une seule. Essayez de lui poser la question qu'il dise là. Tous ceux qui disent que nous rêvons africains, on va toucher le cadre de la Chine, de le développement dont tu viens de parler. Mais le thème création, c'est un grand thème qu'il ne faut pas toucher. Il faut toucher ça avec parcimonie. Alors, lorsqu'il dit qu'il est créateur, vous voyez à qui il en est de se confronter, n'est-ce pas? Déjà, il a anéanti le créateur. Il a démystifié le créateur en disant qu'il n'existe pas, encore moins son fils. Prouver que c'est faux en prenant les passages qui n'existent pas, qui ne devaient pas dire, qui ne comprennent pas d'abord ce que ça dit. C'est faisant parler pasteur selon cette même Bible. En se nommant d'un Moïse qui libère aussi, parce que le Moïse de la Bible libérait. On l'a prénommé Moïse. Il n'est pas allé comme les autres en disant que je m'appelle plutôt Kurunziza, Kasumba, Mwemba, Yamba, Yamba. Mais il a quand même pris un nom biblique. Il a accepté cela en acceptant des titres bibliques, en voulant combattre la Bible. Alors cet homme-ci est possédé. Il ne faut même pas parler longtemps pour lui. Voilà. Alors cet homme, il dit à la fin, écoutez très attentivement son discours, il dit que je suis Mao, tu es Mao. Mao c'est toi, Mao c'est moi, nous sommes tous des Mao. Vous entendez cette terminologie-là en milieu chrétien, en milieu chrétien, de chrétien. Vous entendez quelqu'un dire Dieu c'est qui? Dieu c'est toi, Dieu c'est moi, puisqu'on ne voit pas Dieu. Vous voyez, par ce langage, on rejette Dieu sans le savoir. Ouais. Je ne sais pas si vous saisissez. Et puis, ce style de langage, nous sommes versés dans nos conversations quotidiennes. Vous entendez quelqu'un dire que la nature l'a voulu ainsi. La nature n'a pas une volonté propre. La nature est commandée par un être pensant qui commande les événements qui existent. Ces événements existent selon sa volonté à lui. Ouais, cette terminologie, la nature l'a voulu ainsi, c'est une philosophie diabolique qui, de petit à petit, entraîne les gens à régner Dieu sans s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a plusieurs terminologies philosophiques qui semblent être logiques, semblent être spirituelles, semblent être même christiques, même chrétiennes, même bibliques, mais en réalité, c'est anti-biblique et parce que ça régnit le principe même du divin. Lorsque quelqu'un dit Dieu, c'est toi, Dieu, c'est moi, Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne doit pas se comparer à nous. Nul ne peut s'être comparé à lui. Nous sommes ses créatures, il est Dieu. Il y a un Dieu et nous sommes ses créatures. Nous ne sommes pas Dieu. Il n'est pas nous. Nous ne sommes pas lui. Il est lui, nous sommes nous. Mais il veut une portion, donner une portion de lui à nous afin que nous comprenions ce que lui, il veut de nous. C'est ce que Dieu est. On appelle donc ça la réconciliation et c'est ce que son fils Jésus est venu faire. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fâché, frère. Ne soyez pas fâché, ne soyez même pas fâché de lui. Parce que c'est déjà des personnes, si déjà des personnes ne prêchaient pas comme ça, vous ne saurez pas que Proverbe chapitre 14, Psaume chapitre 14, verset 1 est vrai. Voilà en clair ce que nous sommes en train de vivre. Et au fur et à mesure, nous voyons chaque fois ici dans Côte d'Ivoire, la Sainteté, dans d'autres forums, nous voyons comment nous mettons les vidéos, vous voyez les Saintes Écritures prouver devant de vous que c'est réel. Sinon, vous allez dire, comment quelqu'un peut-il dire dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu? Comment? Vous allez dire que non, c'est sûr que la Bible, là, c'est autre chose. C'est ce qu'on veut dire. Parce que normalement, un être humain normal ne dirait pas que Dieu n'existe pas. Bon, ben voilà, voilà, vous avez entendu. Il a dit, fuyez cette Bible-ci. Rejetez-la, fuyez les démons de la Bible. Donc les Bibles, comment on chasse les gens, les démons chez les gens, en chassant les dieux africains, les démons des Africains, là. C'est eux qui disent maintenant que c'est la Bible qui est démon. Et la Bible déclare que malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Les voilà. Donc ce n'est qu'une preuve de la véracité des saintes écritures qui sont en train de régner. Alors souvenez-vous, les philosophies telles que Dieu c'est toi, Dieu c'est moi, Dieu est en toi, il faut chercher le Dieu en toi, ce sont les philosophies qui sont développées dans les cercles ésotériques. Des pensées sont jetées petit à petit dans les cercles de développement personnel. Vous commencez à comprendre au milieu chrétien, vous entendez que quelqu'un c'est un coach personnel. Vous avez entendu, c'est que des pasteurs commencent à s'ériger au niveau de coach. ce qui encourage les gens à être des leaders. Fuyez ces choses au plus profond de votre être. Fuyez-les. Quand vous entendez que quelqu'un est un coach de motivation, faites attention, c'est un agent démoniaque déguisé en ange de lumière. Faites attention. Il n'y a pas de telles choses au milieu chrétien. Ces choses de la contemplation, de notre, de quoi, de la morale ou bien de l'intellect, ce n'est pas notre domaine là-bas. Papa. Notre domaine, c'est être guidé par le Saint-Esprit, pas par un coach humain, pas par un gourou. Que non. Le but du Seigneur Jésus-Christ venant, c'est de rétablir la relation afin que le Saint-Esprit puisse demeurer dans le cœur humain. Comme Dieu a dit qu'il va habiter dans le cœur, je serai leur Dieu, il marchera au milieu d'eux. C'est le but là-bas. Mais aujourd'hui, se trouve donc manifeste dans le, en milieu chrétien des personnalités qui se sont érigées en donneurs de leçons et en guides spirituels, non seulement en guides spirituels, mais qui font des trainings qu'on voit exactement dans les sectes exotériques. C'est-à-dire que les trainings des coachs, comme je dis, gardez bien le mot, développement personnel. Les coachs, pour faire les cours de leadership afin que les gens soient des grandes entreprises, ils vont prendre d'abord un. Chaque fois, souvenez-vous, si vous suivez ces cours, vous savez, c'est que première chose, on va prendre les principes. On va commencer à prendre les principes que si vous prenez d'or et paresseux et la pauvreté se surprendra. Ils vont prendre ça dans la Bible en disant que les gens croient que c'est en prière qu'on va changer les choses. On ne doit pas seulement prier, mais il faut faire des actions. Ils vont prendre des choses développées. Vous allez croire que c'est l'erreur, mais ils vont introduire les erreurs. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'en réalité, ils sont en train de vous glisser dans les erreurs. Puis ils vont commencer à vous dire que si vous voulez dormir le midi à 14h, les gens vont se lever, aller travailler. Ils vont développer leur pays comme la Chine, comme on a des voix effectivement dans ce développement-ci. Et puis ils vont prendre maintenant les grands penseurs philosophiques. Des grandes personnalités qui ont réussi, Mark Zuckerberg de Facebook, ainsi de suite, de Google et autres là-bas, qui n'ont pas passé le temps dans la prière. Vous voyez, pour vous éloigner de la présence de Dieu afin que vous vous attachiez aux choses du monde. Voilà le développement personnel. En quoi cela va? Ce développement personnel, en résumé, peut être cette science-là qui veut que l'homme se développe pour prouver son existence et laisser son passage sur la terre, sur le plan mondain. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quelqu'un qui a accompli en lui. Ce que le Seigneur veut, c'est quelqu'un qui a accompli en lui, c'est-à-dire cette personne qui a trouvé et retrouvé sa place dans l'existence céleste. Cette réconciliation faite par notre Seigneur Jésus-Christ est faite en sorte que le Saint-Esprit vient à quelqu'un et le place dans la place que Dieu a prévue pour lui. Quand cette personne s'y a placée dans cette place-là, cet homme-là est accompli pour Dieu. Amen. Amen. En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 12 de 1 Corinthiens, les versets 18 à 22, la Bible déclare que Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et même il a choisi que les membres les moins honorables ont l'entour de plus d'honneur. Donc Dieu a voulu que dans le corps qu'il y ait des membres faibles, des membres nonchalants, afin que les autres en prennent soin. Vous voyez effectivement que les développements personnels que nous avons sont des philosophies démoniaques en milieu chrétien pour déchoir les gens de la grâce du Seigneur. Les saintes écritures les avaient prévues. Maintenant, celui-ci est allé en vitesse supérieure parce qu'il y a plusieurs cas d'insensé, comme je vous ai dit. Il y a d'autres qui vont débuter par la folie. D'autres qui vont venir comme les docteurs, mais en introduisant les fausses doctrines pour pouvoir entraîner les gens. Mais ça sera douce. L'autre là, c'est douce. Ça commence comme le miel, mais ça finit comme dans le fiel. Amen. Vous voyez, ça commence comme le miel, mais ça finit comme le fiel pour t'amener dans le biel. Alors, vous entendez effectivement que quand quelqu'un amène dans cette direction-là, vous commencez à absorber que waouh, quel grand docteur. On commence à dire que vous êtes les fils de Dieu. La révélation, Dieu attend, l'humanité attend les fils. Il faut que vous vous manifestez. Les fils ne se manifestent pas eux-mêmes. Quelqu'un doit les manifester parce que la terre était soumise à la vanité. Pas par elle-même, pas par les fils, mais par celui qui lui a soumise. Donc cette personne qui a soumis la terre à la vanité, qui viendra changer ses vanités en donnant, en revêtant la terre de la corruption par rapport à la voie des fils, c'est-à-dire par rapport au renouvellement. La terre doit être renouvelée pour que la vanité puisse y quitter. Maintenant, quelqu'un dit, il faut qu'on attend que les fils se révèlent. C'est à vous, levez-vous, vous êtes des fils, levez-vous. Vous voyez, on est. Par conséquent, on commence à créer les parties de football, le football chrétien, les musiques chrétiennes, les rap chrétiens, les concerts chrétiens. Ils disent qu'ils vont faire comme ça pour influencer. Et jamais, personne, pendant qu'ils font ça, n'ont jamais compétit et dépassé, même les mondains. C'est-à-dire que les mondains, n'étant pas avec l'esprit du fils, font avec l'esprit démoniaque et dépassent toujours la révélation des fils. Vous voyez qu'on est en mal, là, n'est-ce pas? On est en mal. Ces gens-là, malgré qu'ils ont, vous les voyez avec les posters soignés, d'autres disent qu'ils portent les montres Rolex de 5 millions de francs CFA. Malgré qu'ils font comme ça, ils n'atteignent pas Mark Zuckerberg qui est un sataniste. Que lui passe le temps avec les jeans destroy. Vous avez remarqué son habillement. Un multimilliardaire en dollars. Et lui passe le temps dans les destroy. Mais pendant que le pasteur Pentecôtiste se vante avec les montres de 5 millions, Mark Zuckerberg peut-être, il se brosse à dents, même coûte 250 francs CFA. Il s'en fout de ses habillements. Il ne se bat pas pour faire ces choses-là, effectivement. Il développe parce que son père a la technicité de développer. Mais depuis Genèse chapitre 4, nous voyons effectivement que le développement, la soif de développement, la soif de campement, la soif de développement des recherches scientifiques vient de la lignée de Caïn. Les gens qui étaient de chez Dieu étaient tranquilles sous les bergers, faisaient des choses tranquillement. Voilà comment les Saintes Écritures nous révèlent cela. Donc vous voyez que la soif du développement, la soif de prouver qu'on est là, parce qu'en réalité, ces gens, les personnes veulent qu'on développe nos différents pays pour montrer effectivement que la terre nous appartient. Dieu ne nous a pas dit que nous soyons sur la terre de façon permanente. Nous allons développer notre cœur et notre âme pour nous présenter ce jour-là glorieux devant de lui, devant le royaume. Voilà le but. La construction du royaume futur. Ce n'est pas la construction du quatrième royaume dans lequel nous nous trouvons, où le Seigneur nous a cherchés. Nous avons un problème. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. En réalité, bonsoir, il voulait donc épiloguer sur la philosophie qui se trouve en milieu chrétien. Merci, ma soeur. Il voulait donc épiloguer sur ces philosophies qui ont glissé en milieu chrétien. Vous entendez, Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Oh, ma soeur, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez que ça a la connotation biblique, mais ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures et ses principes. Non, la dame nature a voulu qu'il pleuve aujourd'hui. La nature en a voulu autrement. Souvenez-vous de cela, la nature n'a pas une volonté propre. Dieu dit que c'est lui qui appelle les eaux de la terre et les répand partout sur la terre. Dieu dit que c'est les rosées des champs le matin. Quand vous passez sur les herbes le matin, les rosées là, c'est lui qui les met. Quand le soleil sort, c'est lui qui les fait évaporer. C'est lui qui fait fondre la glace là-bas au nord et fait couler dans les laves. C'est Dieu qui le fait. La Bible déclare que même dans les eaux des montagnes, c'est lui qui fait ruisseler l'eau de la montagne pour passer dans les cours d'eau pour abreuver les champs et irriguer les champs. C'est ce que la Bible déclare. Ce n'est pas la montagne qui décide que non, il y a les villageois en bas qui veulent boire de l'eau, ils laissent couler l'eau. Ce n'est pas la montagne qui décide. Ce n'est pas le cours d'eau qui décide en disant que non, il faut qu'ils descendent de ce côté pour abreuver les enfants qui sont en train de se laver les gens, cette villageois-là. Ce n'est pas le cours d'eau qui décide. Voilà. C'est le Créateur qui l'a fait. C'est le doigt de Dieu qui trace autour au courant de l'Hermès et du Carmel afin que cette cours d'eau-là descende dans les entrailles des Jourdains. Donc, alors, nous voyons effectivement que l'humanité est en train d'aller à la dérive. Et au sommet, nous pensons ainsi, dans ces genres de pensées-là, la manifestation de l'Antichrist dont on parlait de Saintes Écritures. Alors, mes chers frères, j'insiste encore ce soir, il y a des pensées philosophiques qui sont anti-chrétiennes, mais semblent être chrétiennes, qui se trouvent en milieu de nous. Ces pensées démoniaques-là sont des pensées qui veulent prendre des thèses bibliques pour contredire la Bible. Des thèses qui semblent être bibliques, comme des énoncés des principes bibliques, mais qu'en réalité, ces thèses-là sont là pour contredire justement les thèses bibliques et les principes bibliques. Déjà, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un principe biblique. Parce que Jésus dit, la parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si parmi vous, avec vos préoccupations des journalistes, vous ne pouvez pas ajouter un seul iota parmi de votre durée de vie, pourquoi donc vous soucier du lendemain? Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, dit les Saintes Écritures. Et c'est le maître de temps qui a créé qui dit cela. Il dit, par vos inquiétudes, qui peut ajouter un courant de vie? Mais le principe satanique dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que fais les efforts. Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il le comprendre? Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Celui qui se confie en son cœur est un insensé. Mais quel développement personnel dit que fais confiance en toi-même. Dieu a mis quelque chose en toi. Fais sortir ton potentiel. Tu ne commences pas là où ton cœur se trouve. Tu vas faire sortir ça. Ouf. Voilà où on se trouve. On fait toujours la philosophie pour que l'homme se retourne en lui-même pour essayer de se donner les preuves. Mais en faisant comme ça, le diable vient travailler avec toi. Vous avez comme l'impression que c'est parce que vous êtes trop intelligent. Mais c'est parce que vous avez épousé cette philosophie, ces principes-là, que ça vous bosse la capacité. Les démons vous insultent, vous inspirent ces choses-là, vous réussissez. Vous pensez que les formules chimiques, les formules que nous avons découvertes pour faire l'ordinateur, les formules des tubes cathodiques, ainsi de suite, la loi de Kepler qu'on a là, toutes ces choses-là, comment ils ont découvert cela? Pourquoi il fallait être dans les loges de la chimie, de la magie blanche pour pouvoir découvrir toutes ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi c'est un secret qu'on doit leur donner? Pourquoi les Africains fréquentent jusqu'à certains niveaux de nez, on leur donne le doctorat, on dit soit vous signez ici, on vous continue dans les loges des secrets pour qu'on vous révèle les profondeurs de tels droits, de telles lois, ou bien on vous donne les doctorats, vos diplômes de doctorat, vous rentrez dans l'université pour vous enseigner. Pourquoi faut-il que des grands docteurs entrent dans les loges pour pouvoir avoir les saints secrets? Et il faut l'initiation. Pourquoi? Qu'y a-t-il de caché là-bas? Vous voyez là, on en est, n'est-ce pas? Alors souvenez-vous que le monde que vous voyez là, c'est un monde qui est gagné par Lucifer depuis longtemps, coordonné par lui depuis longtemps, et qui désire manifester ses désirs là-bas. Ces désirs sont manifestés dans les religieux, dans les scientifiques, et avec les pensées qu'il injecte chaque fois. Le frère Achinda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le frère Julien, bonsoir monsieur. Tu es la bienvenue dans cet espace réservé au peuple de Dieu pour l'édification, la restauration de leur âme et la réconciliation vraie avec le Seigneur Jésus-Christ afin de retrouver le véritable Saint-Esprit qui nous a été envoyé du ciel. Amen. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais avant, vous voyez effectivement qu'il faut qu'on nettoie toutes ces zones d'ombre qu'il y a dans notre âme. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous montre les différents endroits qui ont handicapé notre relation avec lui. Lorsque quelqu'un a déjà ce style de pensée, aide-toi, le ciel t'aidera. Ma soeur, tu dors, ta vie dort. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous entendez de ces choses, n'est-ce pas? Que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non. La vie est au Seigneur Jésus-Christ et le chemin, la vérité et la vie. Il n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Il appartient, la vie appartient à ceux qui croient en elle. Parce que la vie est une personne. Vous voyez les philosophies, n'est-ce pas, frère? J'aurais souhaité venir en Côte d'Ivoire, mais la nature en a voulu autrement. Le hasard a voulu que je tombe sur. Le hasard a voulu que... On essaie d'esquiver chaque fois. Regardez, pour ceux qui font des détours sur YouTube pour fouiller la conception et la grossesse, de la conception jusqu'à la naissance, vous allez voir effectivement comment lorsqu'il y a la conception des gamètes mâles et femelles, vous entendez ce que les journalistes disent. Ils disent qu'à cet instant-là, il y a le miracle de la vie peut se produire. Il dit le miracle de la vie peut se produire parce que ça les dépasse. Il ne peut pas expliquer comment la gamète mâle vient rencontrer la gamète femelle, comment tous les destinées des personnes, l'ADN et autres, les 23 chromosomes, comment ils font pour s'entremêler. La conclusion, c'est que la destinée est écrite maintenant. Qui l'a écrite? Qui a écrit cette destinée? Vous voyez cela? Et ils disent maintenant que non, le mécanisme de la magie de la vie peut commencer. C'est donc comme c'est un mécanisme qui est régi par rien, mais par une loi scientifique. Mais le Dieu Tout-Puissant dit que c'est lui qui place des enfants dans le ventre. Il donne une maison à celui qui n'en avait pas. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Supportez-moi comme ça sur cette terre. Si supportez-moi, je suis obligé de parler. Voilà. Frère, vous parlez. Voilà. Maintenant, parlez-vous aussi. Alors, je vous passe la main. Parlez maintenant. Alors, nous avons écouté, je crois que si les autres frères viennent, on va encore réécouter. Mais quand les frères vont venir, s'ils nous trouvent encore en train de parler, dites-leur de ne pas se fâcher. Que c'est notre rôle de parler en tant que prédicateur. Et puis, si les gens nous insultent, vous remarquez la différence qu'il y a entre les chrétiens et d'autres religions qui sont des fanatiques. C'est que on nous insulte, nous bénissons. On nous insulte, nous sourions. Et tant bien même on le fait, le grand maître Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà dit que si on a fait ainsi au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Dieu merci, ce n'est pas celui-ci, il ne nous a pas insulté directement. Il a dit qu'on nous a seulement alignés avec la Bible. Il a insulté le grand Dieu de la Bible lui-même et son fils Jésus-Christ. Donc, nul besoin que Junior puisse prophétiser que ce qui va arriver à ce monsieur, c'est Dieu qui a sa sentence avec lui. Vous voyez? Comme il ne connaissait pas le Saint-Esprit, il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, c'est quelqu'un qui est rachetable. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Souvenez-vous d'une chose, c'est ne défendez pas Dieu. Dieu est assez puissant pour se défendre. Il a usé la même chose quand Gédéon allait casser les pieds de son père. On est venu, on a dit qui a cassé les pieds de Baal. Quelqu'un a dit, si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Vous voyez cela? Si Dagon était Dieu, il pouvait se lever du temple là-bas, là où l'arche de l'alliance avait renversé. Mais Dagon était chaque fois au sol parce que tout Genève se fléchira devant lui. Alors maintenant, je repose la question. Cet homme qui s'appelle Moïse est pasteur. D'où vient le titre pasteur? Il dit, je suis le pasteur Moïse. D'où vient le titre pasteur? Ceci donc pose la problématique de tous ceux qui vont dans les ministères pastoraux sans rencontrer le Seigneur Jésus. On rencontre des pasteurs qui disent qu'ils étaient des pasteurs dans le pentecôtisme et qui se sont convertis dans la religion musulmane. Vous avez déjà entendu cela, n'est-ce pas? Je crois que c'est sur ces ondes que nous avons vu une fois un prêtre, quelqu'un qui disait qu'il était pentecôtiste et qu'il a vu Marie, il a commencé à prier Marie. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Alors la question maintenant, c'est que ceux-ci, qui les a appelés à la charge des pasteurs, puisque l'appel doit être fait par le Seigneur. La Bible déclare que celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, il a fait les dons aux hommes. Donc ces gens-ci doivent avoir rencontré le Seigneur. Et quelqu'un ne peut pas rencontrer le Seigneur et quitter sa voie pour aller dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas possible que vous voyez le Seigneur, vous dites qu'il n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc celui-ci dans son ministère, c'est quelqu'un qui a flirté avec la Bible ici. Certainement, il avait été dans une assemblée et peut-être on l'a déçu ou bien quoi que ce soit. Et peut-être il a décidé d'avoir 5 familles avec la Bible dit... Sous la nouvelle alliance, une de ces familles a dit que non. Parce que chacun fait comme ça pour essayer d'éliminer le principe du péché. Parce que la Bible là prêche contre le péché. Vous voyez, on essaie de faire tout et tout pour dire que non, le Dieu n'existe pas. Conséquent, on fuit le jugement. Écoutez-moi très attentivement, vous, M. Moïse, et tous les acolytes africains et tous les autres qui croient à la religion et réincarnation et vous, tout cela. Même si vous ne croyez pas à la résurrection, Dieu va vous ressusciter. Au moins pour l'autre, là, vous allez y participer. Que vous le vouliez ou pas, vous allez ressusciter, il va vous ressusciter. Que vous dites qu'il n'existe pas, ce n'est pas le fait que vous dites qu'il n'existe pas qui va montrer que non, il faut qu'il prouve que j'existe. Il n'a pas besoin de prouver. Il est grand et sa puissance nous échappe, dit la Bible. Il n'a pas besoin d'emploi et qu'une personne lui dira pourquoi agis-tu ainsi. Il peut décider de détruire même la Bible là et choisir ses enfants et les enlever sans cette Bible là. En fait, il a même demandé au brigand à la croix qui sera avec lui au paradis sans que le brigand ait confessé ses péchés, dit ce qu'il a fait ainsi de suite. Il a fait envoyer comme ça. Il a demandé à Rahab d'entrer dans le royaume alors que Rahab n'a rien fait de spécial pour mériter. Il a seulement gardé les espions. Gardez un peu les espions et entrez dans le royaume, je vois si vous pouvez le faire aussi. Il a fait ça à Rahab. Rahab était une prostituée. Allez faire la prostitution et puis on veut tuer quelqu'un. Faites-le entrer dans votre maison. Vous pensez que quand vous allez faire ça, vous allez entrer au ciel. Donc Dieu agit comme il veut. Il est souverain. Alors, notre Dieu est puissant. Il n'a pas besoin de démontrer sa puissance pour les insensés. Je vais vous raconter une histoire pour montrer l'insensé. C'est un type d'insensé comme ça. Il avait fait une conférence. C'était un professeur agrégé qui avait fait la conférence pour prouver aux chrétiens que Dieu n'existe pas. Je vais taire le nom de la personne et puis le nom des lieux. Ce pasteur, ce conférencier, dans cet amphithéâtre, il a mis les fusils sur la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déposé le fusil sur la table. Il a mis le pistolet. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen, amen, amen. Le conférencier, amen. Le conférencier il a dit à tous ceux qui étaient dans la salle, il veut prouver par une seule formule que Dieu n'existe pas. Donc, c'était le collègue de celui-ci, mais c'est dans le domaine de l'intelligence. Alors, il a dit, il va compter de 1 à 3. Oui, amen. Si Dieu existe, il va tuer, Dieu le tue. Et si Dieu ne le tue pas, après c'est 1 à 3, alors Dieu n'existe pas. Toute la conférence, et tous ceux qui assistaient à la conférence, tout le monde était calme pour voir ce qui arriverait. Alors, le conférencier a dit, alors Dieu, je te défie ici. Si tu existes, de 1 à 3, je veux que tu me tues. Il a compté 1. Toute la salle était en silence. 2. 3. Après quelques secondes, rien ne s'est passé. Il n'est pas mort. Dieu ne s'est pas manifesté. Il s'est levé. Les gens ont applaudi. Il a dit, vous voyez, Dieu n'existe pas parce que s'il existait, justement, comme vous le dites, il me tuerait. Alors, un simple chrétien est sorti de la foule, avancé vers lui, doucement, doucement. Tout le monde était debout. Il allait vers le policier. Un policier qui se tenait dans la salle, il dit, s'il vous plaît, remettez votre âme. On a dit, monsieur, si vous prenez cette âme, vous allez tuer quelqu'un, ce sera de l'homicide volontaire, vous allez condamner à mort. Il dit, remettez-moi votre âme. Il a remis son âme. Il a demandé au policier, est-ce que cette âme s'est chargée? Le policier a dit oui. Il a déposé devant le conférencier. Il s'est tourné dans la salle, avec l'âme derrière lui. Il a dit, je vais vous prouver que ce monsieur, ce qui est derrière nous, n'existe pas. Il a dit, je vais compter de 1 à 3. Si ce monsieur me tue, c'est qu'il existe. S'il ne me tue pas, il n'existe pas. Alors, il a regardé la conférence, le conférencier derrière lui. Il a dit, 1, 2, 3. Personne n'a entendu la gâchette tirer. Il a dit, alors vous voyez, cher conférencier, ce conférencier n'existe pas. Par conséquent, lui-même n'existe pas parce qu'il n'a pas pu me tuer. Après 3 décomptes, puis de se tourner vers ce conférencier, il dit, Dieu ne tue pas les fous. Amen. Fin de citation. Côte d'Ivoire dans la sainteté, amen. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Je vous aime. Et alors qu'il sortait de la salle, les gens étaient sur une tollée d'applaudissements et le conférencier avait coulé la sueur, il avait dû enlever sa cravate, il tremblait debout. Sa conférence venait de tourner en sa défaveur. Dieu n'a pas besoin de prouver les prouesses humaines. Comme on dit, Seigneur, manifeste pour qu'on sache que tu es Dieu. Dieu n'a pas besoin de cela. S'il veut faire n'importe quoi, il le fait. La preuve en est que celui qui prie que Dieu fait comme ça, c'est lui qui t'a créé. Les situations que tu es en train de vivre, c'est lui qui a mis. L'insensé, c'est celui qui a mis pour prouver que sa Bible est vraie. Vous ne pouvez pas faire la conférence pour prouver à cet insensé que non, Dieu existe. Que vous devez te prouver que Dieu existe. On n'a pas besoin de cela. Il a son rôle. Il faut qu'il joue son rôle d'insensé pour que le verset 14, verset chapitre 14 des psaumes, verset 1 puisse se vérifier. Amen. Le frère Achille, je suis sûr que tu te poses la question de quoi est-ce qu'on en est parlé, qu'est-ce qui s'est encore passé ce soir, pas vrai? Oui. Effectivement. Alors, si pour mettre notre frère dans le bain, afin que vous réécoutez vous aussi et profitez encore vos questionnements et vos remarques,

Voilà, c'est comme ça, c'est un marketing au fait. Il a gardé Il a ces commencé en principes-là, il a commencé ces principes-là, il a gardé ça du 2000. christianisme quand il y était. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tiens la parole, mon frère, vas-y. Bon, maintenant, en fin de compte, il veut dire que, bon, je ne sais pas si c'est la même chose que j'ai compris. Bon, le développement en soi qui met en évidence ici que de faire confiance à son Dieu Mahou. Et ensuite, Mais qui c'est Dieu Mahou? dans un premier temps, bon, moi je ne le connais pas, hein, je ne le connais pas, c'est ce qu'il fait comme publicité. Mais d'un premier temps, il fait croire que les cieux n'existent pas et que Dieu n'existe pas, son fils n'existe pas, mais en même temps il oublie que la terre existe. Donc d'une part il défie en même temps la science et en même temps il croit aussi à la science. Donc d'une part c'est flou dans tout ce qu'il dit c'est carrément flou. Mais on voit en définitive que c'est une publicité qu'il recherchait derrière, c'est tout. C'est une publicité. Oui, mais le titre de la vidéo, le titre de sa vidéo, c'est un pasteur dépassé des bêtises bibliques. Il est d'abord dépassé. Et d'après ce qu'il a pris, d'après ce titre-là, les quelques versets, parce qu'il pourra dire qu'il pourra en citer comme ça pendant des milliers des heures. Et ces quelques passages-là où Dieu descend pour voir, pour découvrir si les informations qui lui sont arrivées sont vraies. Il a oublié de citer même Genèse chapitre 6 où Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est comme si Dieu ne savait pas qu'il pouvait faire l'homme. Il a oublié le chapitre 3 où Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Comme s'il ne connaissait pas, ainsi de suite. Vous vous souvenez que je parle chaque fois des enseignements des pierres d'achoppement dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Les voilà, vous commencez à les rencontrer. Je crois que le moment est arrivé où il doit prêcher sur les pierres d'achoppement que Dieu lui-même a mis dans la Bible. Voilà là où ça a été celui-ci. Alors, qui d'autre prend la parole? Bon, les gens de la Côte d'Ivoire sont énervés, ils ne veulent plus travailler. Bonne soirée alors. Non, mon frère n'est pas énervé, mon frère. Ok. On est dépassé. Vous êtes dépassé. Vous allez encore voir des choses. Ah oui. Mon frère, moi je vais réagir par rapport à ce que le frère Achille vient de dire là. Moi Oui. je pense que loin d'être une publicité, ce monsieur-là n'est pas un enfant. Il n'a Oui. pas 2 ans, il n'a pas 3 ans. Oui. On a vu les propos très graves qu'il a tenus à Oui. l'endroit du Seigneur Jésus-Christ, Oui. de Dieu et de la Bible. Ce n'est pas un enfant. Et comme l'avait dit, Dieu même se charge de se défendre lui-même. Donc moi je dirais que il faut un Jérémie, il faut un Ézéchiel pour prophétiser tout de suite, hein. Prophétise alors, mon Non, frère, prophétise alors, prophétise, puisque tu t'appelles Paul. Non, mais plus c'est grave. Bon, vous pouvez le faire, mais vous avez déjà la réponse. Et Dieu même se charge de, hein, de, voilà, de C'est lui. lui. Donc, on n'a pas vraiment, ce qu'on peut faire pour lui, c'est de prier pour lui. Bon, je ne sais pas si on doit prier pour son âme, je ne sais pas, mais vraiment, lui, là, il est irrécupérable. Parce que là, il vient de créer sa tombe, là, sans le savoir. Il est mort vivant. C'est On très grave, va, on c'est va, choquant, ça choque là. on va aller doucement, sans émotion, d'accord? C'est vrai qu'il a attaqué votre Bible, attaqué les chrétiens, mais je vais jouer le rôle d'arbitre ici, d'accord? La question que je te pose, la question que je vous pose, c'est que ces garçons, les allégations qu'il a dites concernant votre Bible, a-t-il raison? Il a pris des versets bibliques, il a prouvé que le Dieu de la Bible n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent, puisqu'il est obligé de descendre à Sodome et à Gomorre pour vérifier si les informations qui lui sont parvenues sont exactes. Donc Dieu est obligé de descendre. C'est comme s'il ne savait pas. On a vu effectivement comment il a lu dans le livre de Genèse chapitre 18, comment Dieu est venu pour dire, les cris sont parvenus. Quand il est venu, il dit que les gens ont construit les gratte-ciels pour trouver Dieu. Il a dit que il a pris le globe terrestre en disant que celui de ce côté, c'est le ciel de ce côté, si vous montrez que la bêtise de croire qu'il y a un ciel quelque part. Puis il dit que le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas. Alors je te pose la question. Y a-t-il un argument contre ces garçons parce qu'un enseignement est contredit par un enseignement? Oui, mon frère, il a insulté Dieu même. Il Oui, a dit, je comprends pourquoi tu t'es fâché, il a insulté ton Dieu. Mais allons-y doucement, hein? Pas d'émotion. Allons-y. Y a-t-il des choses qu'il a dit, y a-t-il des choses qu'il a dites dont tu peux présenter le contraire? Il a dit que Dieu n'était pas omniscient, Dieu n'était pas omniprésent, Dieu ne connaissait pas tout, omnipotent, en prenant des versets dans la Bible pour dire, OK, à partir de cela, la conclusion, c'est que Dieu n'est pas omniscient, puisque si Dieu dit à Abraham que le cri de Sodome est monté jusqu'à moi, je suis descendu pour voir si ce qui m'est arrivé est exact. Ça montre qu'il avait besoin de se déplacer pour comprendre. Il a besoin qu'on lui donne des rapports concernant Sodome et Gomorrhe pour qu'il puisse savoir que là-bas c'est grave. Alors, de ces versets, il conclut que Dieu n'est pas omnipotent, Dieu n'est pas omniscient. Qu'est-ce que vous en dites? Mes frères, voici ce que je peux dire dans cette situation-là. Oui, le frère En fait, Olivier, allons-y. Le temps que le frère, vous savez, le frère Paul Espérance avait déjà dégainé le coup. Il voulait prophétiser sur le pasteur togolais là que Dieu va frapper sa famille, frapper ses pieds. Donc, on le calme d'abord. Oui, frère Olivier, allons-y. Alors, frère, ce que je veux dire, en fait, lorsqu'on entend parler de ce monsieur-là, en fait, il a une compréhension littérale des Écritures. Oui. Lorsqu'il dit que, ouais, il prend le passage de Genèse chapitre 11 et puis celui de Genèse chapitre 18, où on parle de Dieu qui est descendu, bon, c'est une compréhension littérale de ces passages-là. Quand on dit Dieu est descendu, ça ne veut pas dire que ouais, Dieu étant descendu ne contrôle pas tout l'univers ou n'est pas omniscient. Puisqu'on a certains passages dans les Écritures où, lorsqu'on parle de Néhémie, au chapitre 9 là-bas, où il est question du fait que le Seigneur Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, et il parlait du haut des cieux en donnant vraiment ses lois à son peuple qui est Israël. Oui. Donc ici, on voit dans ce passage-là que Dieu, quoique Dieu étant descendu sur la montagne, mais Dieu parle du haut des cieux. Donc, ça veut dire que Dieu peut descendre sur la montagne tout en étant dans les cieux. Parce que, et c'est là même elle a peur de son omniprésence. Voilà. Donc, quand on dit Dieu est descendu, ça ne veut pas dire que Dieu est descendu. Donc, il a perdu, il n'est plus au ciel. Mais Dieu étant descendu, mais il contrôle tout l'univers. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il a une compréhension littérale de ces passages-là. Et c'est ce qui l'amène à dire, ouais, que Dieu n'est pas omniprésent. Oui. Alors que nous voyons d'autres passages qui attestent effectivement de l'omniprésence de la divinité. Oui. Alors là, Voilà. si ça, il te pose la question. Il s'appelle pasteur. Comment est-il devenu pasteur selon toi? Alors, moi, je pense que son pasteur-là, en fait, c'est que Dieu n'existe pas. Parce qu'un pasteur qui a été appelé de Dieu va effectivement confesser l'existence de ce Dieu qui l'appelle. Parce que tu ne peux pas être appelé de quelqu'un qui n'existe pas. Oui. Donc, le fait de dire qu'il est pasteur et il remet en cause l'existence de Dieu, c'est la preuve même qu'il n'est pas un pasteur de Dieu. Il Et dit il s'est autoproclamé pasteur. littéralement que Dieu n'existe pas, la Bible n'existe pas, que Jésus c'est un démon, que le Dieu de la Bible, il faut jeter cette Bible-là. Ça a aliéné les chrétiens. Mais maintenant, restons sur ton point de développement avec la Genèse chapitre 18 pour montrer la folie de cet homme-là. Quand Dieu est effectivement descendu, causant avec Abraham, est-ce qu'à un moment donné, dans ce passage-là, on a vu Dieu prendre les renseignements quelque part concernant Sodome et Gomorrhe pour connaître ce qui se passe? Non, non. Est-ce qu'on a vu dans le débat d'Abraham et de Jacob, quoi, Abraham et Dieu, dans les conversations, est-ce que quelqu'un a informé Dieu que ça s'est passé de telle façon? Non, frère. Dans le chapitre 19, nous voyons les deux anges qui sont arrivés au sud, au soir, à Sodome. La Bible déclare ils ont dit à Noé, à l'autre de sortir parce que Dieu a demandé qu'ils détruisent la ville, non, c'est pas? Tout à fait, frère. Alors Tout à finalement, fait. est-ce que Dieu a donc pris le renseignement quelque part pour savoir ce qu'il en est? Non, non. Non, Dieu n'a pris aucun enseignement Vous parce voyez? qu'il savait effectivement ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Mais la question maintenant, c'est pourquoi Dieu parle-t-il ainsi comme un être humain? Vous entendez les pieds d'achoppement de la Bible, n'est-ce pas? Les pieds d'achoppement. Donc cet homme-ci, parce qu'il va dans la Bible pour chercher justement les choses pour contredire la Bible, Dieu lui révèle les choses contredisantes de la Bible. C'est ainsi. Les pharisiens, quand ils étaient devant le Seigneur Jésus-Christ, ils allaient toute la nuit pour fouiller comment ils vont contredire Jésus le lendemain. Jésus leur a dit que vous sondez les Écritures. Jésus savait ce qu'il faisait dans la nuit. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elles la vie, mais c'est elles qui rendent témoignage de moi. Donc quand ils iront dans la Bible, ils vont seulement voir que non, normalement, si cet homme c'était de Dieu, il devait respecter le sabbat. Vous voyez cela parce qu'il y avait un pied d'achoppement derrière le sabbat. Mais ils oublient le verset qu'il est humble au milieu de toi. C'est ce style de verset qui dit que ton roi vient, il est monté sur une ânesse. Vous voyez cela? Ils oublient cela. Ils oublient que le voici, il est humble au milieu de toi. Il pardonne tes péchés, il est humble. Dans son amour pour toi, il gardera le silence lorsqu'on va le frapper. Ils oublient tout cela. C'était écrit comme ça dans les Écritures, mais ils ne voyaient pas cela. Ils voyaient plutôt les autres que non, ils ne respectent pas le sabbat. Un homme normalement va respecter le sabbat, il devait naître ici, il ne pouvait pas naître chez les pauvres comme ça, ainsi de suite. Il égale la multitude. Vous voyez les pieds d'achoppement, n'est-ce pas? Amen, amen. À tout Seigneur, tout honneur. Nous basculons dans la deuxième partie des Côte d'Ivoire de la sainteté ce soir, parce que nous accomplissons ainsi la volonté de notre Père, qui dit qu'on se réjouisse avec ceux qui se réjouissent. J'ai ainsi l'honneur de présenter ce soir le couple d'Henri, depuis Abidjan. Le couple d'Henri, bonsoir, avec Kelly Yankolo, et bienvenue dans Côte d'Ivoire de la sainteté, édition spéciale à vous dédier. Bonsoir et bienvenue. Shalom, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Voilà. Bonsoir, tous les frères, bonsoir, frère. Je prends une ponctuation musicale vous concernant et puis je reviens, on va commenter, d'accord? Oui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Amen. Oui, oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Mm-hmm. Amen. Voilà, on l'est. Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire André Fenda. Tu as raison. Et les extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vos jours à savoir qu'il appartient à lui. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai. Que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien, mais bien l'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les matériel, payé sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité, autorité. On respecte les mariés, la femme a l'honneur. Chacun de nous se souvient de ces bons moments, surtout nous les mariés. Tant pis pour les célibataires, c'est ça. Ah oui, on y va. Pasteur et Mamissa, je c'est que vous m'écoutez. Voilà. Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari, à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. C'est bien, Pablo, avec Christian. Le corps de la femme appartient à son mari, celui de son mari, à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Pas de pardon, sachez que vous n'êtes pas marié. Ce n'est qu'une association de deux individus cruels. Vous ferez mieux de vous séparer, au lieu de faire semblant. Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari, à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Quand vous avez des problèmes, tu claques la porte. Tu vas trouver une wolosse dehors pour te venger. C'est un signe de faiblesse pour nous les hommes qui sommes dictateurs. Sachez que tu as fait le détournement des biens depuis. Et toi ma chérie, tu comptes toujours sur ton petit chantage. Un temps des petits problèmes, tu pourras les dimanche. Tu lui fais le tourne d'eau assaisonné de l'emballage. C'est ta vie, tu mets deux culottes, tu ajoutes le pantalon. Et au-dessus de tout ça, tu enfiles ton cabangondo. On appelle ça la confiscation et détention des biens de lui. C'est vrai, c'est très grave. Le corps de la femme appartient à son mari. Vous ne devez jamais vous séparer. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci à notre bien-aimé le frère Rance. Ouais, de cet extrait de sa musique en pot-titre Autorité que vous pouvez également trouver gratuitement sur YouTube. C'est l'artiste camerounais Rance. Rance s'écrit R-O-N-Z. Le titre, c'est Autorité. Je crois que, comme j'ai dit à l'entrée ici, à tout seigneur, tout honneur. Le couple Niaoré, bonsoir encore et bienvenue. Bonsoir. Le frère Niaoré, c'est le chef de famille. Qu'est-ce qui t'inspire cette musique de Rance? Bon, cette musique, il parle de certains principes du mariage. Mm-hmm. Il parle de certains rôles du mari. Mm. Voilà, donc, il parle que le corps de la femme du mari est pour, son, est pour sa femme. Mm. Le corps de la femme aussi est pour son mari. Oui. Bon, homme n'est que l'homme ne doit pas priver. Mm. Corps de sa femme, mmh. Et c'est ça. Ça, j'ai retenu ça. Mmh. Il a parlé aussi de l'autorité. Voilà, effectivement, la parole dit que l'homme est autorité. Mmh. Mais cette autorité, on ne doit pas être d'acteur, puisque on a vu comment il a montré aux disciples que même celui qui a l'autorité doit s'inviter des autres. Mmh. Donc c'est une autre, voilà. Ce n'est pas une autorité dans la dictature, dans le couple. C'est pas pour détruire, mais pour édifier, pour transfert de sa famille. Mmh. Voilà, je crois que la connexion est un petit peu brouillée de l'autre côté là, pour qu'on ne perturbe pas la tranquillité du couple jeune marié. Mais je crois que le frère Niaouré, tu vas voir maintenant qu'il y a la différence entre prêcher quelque chose et la vivre. Donc maintenant, tu vas entrer dans la réalité des 1 Corinthiens au chapitre 7, où tu vas vivre la loi du mariage maintenant en somme. Tu ne vas plus prêcher seulement aux gens, tu prêcheras en ayant goûté ce que c'est que le mariage, n'est-ce pas? En tout cas, courage, c'était juste une apostrophe de ton côté. Et j'espère que la sœur Kelly ne doit pas oublier la date de retour et que le billet d'avion ne vient à. J'espère qu'elle n'a pas arrêté le vol avec ces choses-là. Vous m'entendez, n'est-ce pas, frère? J'espère que la sœur Kelly n'a pas oublié qu'elle doit rentrer. Il y a une date fixée sur le billet d'avion. Alors, la sœur Kelly, félicitations encore, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé frère. Tu es à l'aise, tu es à l'aise, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que tu as encore pris un coup de jeûne là. Ça fait longtemps. Oui, très à l'aise, merveilleusement bien. Le mariage est délicieux. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes sœurs qui disent que les hommes dérangent, qu'elles sont fatiguées, il n'y a pas d'hommes sérieux? Qu'est-ce que tu peux leur dire alors comme conseil? Oui, là, c'est tout le monde me dit. Aux soeurs de ne se décourager, que le Seigneur nous oublie qu'elle persévère. Oui. Je crois qu'on a quelques soucis des connexions là-bas vers la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y a plus de tempêtes à Abidjan maintenant. Alors Abidjan, Que le Seigneur a pris. Oui, je crois que la connexion s'est un petit peu Allô, oui? oui, je crois que la connexion s'est un petit peu stabilisée là maintenant. Oui. Oui, ma soeur, le conseil. Je dirais aux soeurs de ne pas désespérer. Peu importe le nombre d'années, on n'oublie jamais personne. Le Seigneur nous demande d'être seulement obéissant à sa parole. Lui s'occupe du reste. Autant marqué, le Seigneur enverra la personne qu'il a prévue vers eux. Et surtout aux sœurs, c'est-à-dire que en tant que femmes, souvent, nous avons des idées dans la tête. J'aimerais que mon mari soit comme ci, comme ça, l'aspect extérieur, par exemple. Et lorsque le Seigneur t'envoie la personne qu'il a pour toi, mais qui ne correspond pas à ce que toi tu as dans ton pays, tu vois, et ainsi de suite. Donc, vraiment à rechercher d'abord l'intérêt, enfin, Oh là là, oh là là. La sœur Kelly est en train de nous donner des bons ce conseils qu'il là, mais est en là. fait, à chercher d'abord l'intérêt de la personne, les qualités de. Oui, la sœur Kelly, on va revenir sur ces conseils-là que tu as les donner parce que là, la connexion n'est pas bonne. Je crois que l'édition prochaine, je ne sais pas quand vous travaillez encore, tu dois revenir sur ces conseils-là parce que maintenant tu es devenue la maman conseil. Tu dois devoir conseiller les jeunes filles pour qu'on puisse avoir aussi à apprendre de toi. Je crois que la connexion n'est pas stable dans la Côte d'Ivoire. Vous voyez que la connexion n'est pas stable, n'est-ce pas? La connexion n'est pas stable, n'est pas stable. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Amen, Côte d'Ivoire dans amen. la sainteté, bonsoir et bonne soirée. Oui, amen. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Oui. Frère Junior. Oui. Bonsoir, frère. Oui. Alors, si tu peux me rappeler le nom du chanteur. C'est Ronce. Il Bonsoir et s'appelle bonne Ronce, Ronz. Ronz. Vous tapez sur YouTube, Ronce, Ah, autorité, d'accord. et puis ça. Merci beaucoup. Et puis on te fait sauter. Bonne soirée. Oh! c'est pas.